J'quitte la tête, les balles tombent toute l'année. J'vois le mal partout, j'crois bien que j'suis parano. Souhaite-moi longue vie et fuck ta bonne année. La tête remplie d'idées sales, j'ai pas le temps pour passer l'anneau. La mort c'est dur, tu sais, j'repense à mes frères tout là-haut. Même si tout va mal pour moi, j'te dirai que tout va bien. J'me sens mal à l'aise au volant du RS3 Grinardo. J'ferme les yeux, j'revois ces moments de bonheur qu'on avait avec rien. J'veux des billets, toutes les couleurs si tu savais. Millions d'euros. Histoire légendaire comme ramasser le savon. Comme la paroi. J'en viens de loin, tu sais pas comment j'ai ramé. Comme j'ai trimé. Aucun coup de main ici, personne a le bras long. J'sais qu'on va tous partir là-haut. Tu me souhaites du mal, ben poto, bravo. J'le prends en crabe, le rond-point du Prado. En 3 minutes, j'suis aux Arnavaux. Je pense que c'est mieux. On sait pas de quoi il fait demain. Quoi de neuf, tout de vieux. J'ai tout niqué, je le voulais. Je voulais plus voir les poulets débouler. Nique sa mère, celui qui dit que j'ai coulé. Rien à prouver, ils m'ont soulevé. Dans mon Audi, je pense à ma villa au bord de la mer. Faut partir d'ici, y'a trop de jaloux gros sur ma mère. Là, je suis dans mon Audi, je pense à ma villa au bord de la mer. Faut partir d'ici, y'a trop de jaloux gros sur ma mère. Sans rien fait, on te jette l'œil. Frappe avec qui sont tous contents. Comme si ça leur remplissait le portefeuille. Ces choses que j'entends. Me dis pas ABC. T'as voulu m'atteindre, mais tu m'as même pas blessé. Gros pétard vite baissé. J'ai tout mon temps, j'suis pas pressé. J'suis un bébé, les Schmitt me pistent comme s'ils allaient m'agresser. J'sais combat.